Acadien si bon ti regard. Belle boutillon, josie bleu. Tout dit papillon vont trouver où. Grand pour grand saint ciel. De mes lois 15, 16 ou 18 ans. Dit que ouah dans la joie sans réflexion. Parents ouah réfléchis vers l'avenir. Les saouines, mais c'est bon, t'y gomme d'amour. Qu'a toujours là, pour guider ou dans la vie. Avec t'y conseil, avec t'y gâtri. C'est pour demain, le roi pas marié. Toi toujours connais des gens pour vivre avec Mario. C'est pour demain, le roi va marier.